les affaires, bon, j'en ai fait dans ma vie une ben autre. Je l'ai fou. Et quand c'est des chums, jamais. C'est chier. C'est qu'un soir, il a tout pété. Faudrait que j'arrête de rouspéter. Faudrait que j'arrête de faire pitié. J'arrête de répéter les voix qui fait que j'ai tout pété. Mais j'suis figé. Par un jeu d'immense, ça n'a pas de sens. J'me fais grandir dans le sens. Je sais, faudrait que j'avance, mais ma vie va mal. J'ai mal à ma vie, trop de paresse, de maladresse, ça qui fait que je reste ici. Mais au moins j'suis encore en vie, pis en plus j'suis encore MC. T'sais quand ça va mal, ben on prie le petit Jésus. Mais si t'échappais pour une bonne vie, moi j'crois plus. J'perds la foi, fait que j'bois, j'perds le foie. J'vois plus droit, j'ai pas le choix, j'vois plus droit. J'perds la voix, j'me noie, pis des fois j'attends la fin comme dans un conte de fées. C'est moi qui est badlocké ou j'suis en train de battre. J'vais pas avoir enfumé, ça m'empêche de respirer. J't'en boucané, j'vois finir mes jours botchés dans le cendrier. Pis j'vois plus le calendrier, fait que j'trippe pour oublier. Ça me fait dépenser, mais au moins je peux l'oublier. C'est ma vie, c'est mon empire. Tout le monde en meurt, mais ça l'aide pour en rire. But I can only show you the door. You're the one that has to walk through. Welcome to the real world. Ma vie est remplie de vide, ma vie est remplie de shit. J'ai pas le mérite de vivre, j'ai pas le choix d'être ici. Ça prend plus de gosses de vie que de tirer un clic Chris. Mais pas son fixe shit, j'peux pas prendre la vue. Après ce qu'il y a de suite, c'est sûr, c'est évident. Tout bon téléroman, y'a un pantou qui les attend. Faudrait que j'aide d'avant, mais je pisse contre le vent. Faudrait que je sois puissant, mais ma vie descend à 100. À mon avis, c'est indécent, mais les sangs qui sont. C'est comme le sang des innocents qui se fait souffrant lentement. Sûrement qu'avec le temps, je vais sortir de ça plus grand. Sûrement qu'avec le temps, je vais vivre dans un rang. Toujours les mêmes murs, puis toujours les mêmes gens. Toujours les mêmes cheveux, puis toujours les mêmes clans. Je vois la vie en rose, mais des fois rouge de rage. J'ai la colère noire, fait que je réjoune comme des vaches. J'ai la peur bleue de rester stock dans une boîte à pic. J'pète tout, j'vais l'orange comme mécanique. Chaque matin je respire, j'me dis que sur ma vie, on dirait que ça l'empire. Mais c'est juste le risque s'expire. If you have something to confess, do it now. Give yourself some peace. Après la pluie et le beau temps, reste encore nuageux, des rafales de vent. Mais le temps reste plus vieux, sous le ciel couleur gris. De dimanche après-midi, la pluie tombe, puis les nuages grossissent. Moi aussi je grossis, en fait les nostalgies. Je suis taché devant rien, puis j'analyse la vie. Puis je vois bien que ça fait dur. C'est trop facile de dire qu'on flotte dans un tas d'ordures. Tortueux du temps de veineux, je veux me faire bénir. Quand ma vie va mourir, je veux me faire accueillir. Je sais que j'ai vraiment peur, si j'espère qu'on se console. Mais je vis dans le noir, je vois juste qu'on se désole. Ouvrez-moi donc les portes avant que j'aille casser. J'ai des pensées d'enrager, puis je suis pas capable de les classer. Je sais que dans le QC, ben on est focusé. Ce QC, Chris m'a crotté. Payé pour se faire crosser, pour devenir cassé. C'est pour que t'es pire, on se fait tuer par des achets. Puis où c'est un messager, sur ma partie partagée. Tout donner ce qu'on a gagné, pour finir crucifié. I never fucked anybody over in my life, didn't have a comp. All I have in this world is my boss and my word. I don't break them for no reason. And like that.